Ça danse dans les flammes de façon intense. Ça t'enlace, généralisé. Ça t'enlace avant que t'aies eu le temps de réaliser que nos vies étaient en passe d'être paralysées. Je m'enlace de cette vie parallèle où, comme par alliance, on avance par l'aile et sous l'aile du péché. Mais je soulève une question: sommes-nous élèves ou maîtres du péché? Éméché, je suis craché sur une comète détachée. Je comate et mes plaies, je les colmate. J'ai éméché le mal trop de choses, j'en ai adopté à ma sauce. J'ai trébuché, nomade de la pensée. Normal qu'on commette des fautes de jour, la nuit on dort mal. Du linge au slip, on a sauté les étapes. Le saut de l'ange dans le vide, que Dieu nous rattrape. Prie pour toi, frère. Prie pour moi, frère. C'est le paradis ou l'enfer à la fin de cette vie. Prie pour toi, frère. Prie pour moi, frère. C'est le paradis ou l'enfer à la fin de cette vie. Mon frère, je veux le paradis. Mais j'ai du mal à mourir, j'avoue. La haine tue, l'amour crée. Fais ton choix et sois sans regret. Mon Dieu béni, c'est l'Afrique et mon fric et ma clique et ma zik et ma trig. Mec, t'es ma mon automatique. Je peux donner que ce que j'ai, mec. Mais à qui? J'ai ramé ça qui met. Si c'est le ma qui met. Hey, demande à toutes les femmes qui m'ont aimé. Elles seules savent à quel point je suis cruel. Ventre affamé n'a pas d'oreille, mais un putain de négro. Pour le flingue c'est pareil, trop dingue mes négros. Trinque à ma santé, et quand je tends vers la sainteté, on me dit t'es tenté. Les démons ne sont-ils pas des anges déchus? Le fils et l'amant chéri de l'art, mère, je suis hanté. T'es mal une fois et vois beau, deux fois et vois juste. De loin c'est quelque chose, mais de près c'est rien. Mes gars c'est des dangereux, eux seuls ont accès à mes omoplates. Mais putain c'est dangereux. Prie pour toi, frère. Prie pour moi, frère. C'est le paradis ou l'enfer à la fin de cette vie. Prie pour toi, frère. Prie pour moi, frère. C'est le paradis ou l'enfer à la fin de cette vie. À chacun son paradis, donc à chacun son enfer. Que Dieu nous bénisse dans le bien comme dans le mal. Frère, préserve-moi de la tentation et délivre-moi du mal. Car le mal, homme, oublie shalom, slalom. Entre Gomorre et Sodome, entre feu de l'amour et jeu de la mort. Dans le ghetto, les meufs rêvent de glamour. Les keufs de mise à mort et ressortis de la merde. La fin justifie les moyens. Peu d'étudiants, encore moins d'honnêtes citoyens. Sans pas les couilles, ton salaire moyen. Mauvais garçon comme Tony, on veut peser comme le parrain. Rêve de pauvre, ou quand l'ange devient créateur. Déchu d'Éden, il se transforme en malfaiteur. Nos mères prient pour notre bénédiction. Dimanche rentre foncé, puis on la malédiction. Paradoxal, quand bien apparaît comme mal. Que Dieu nous bénisse, dans le bien comme dans le mal. Ouais ouais, la frère. C'est ça la vie, quel est le nombre de joints que j'ai fumé. Combien le nombre de tasses que j'ai baisé. Ouais mec, quoi, c'est ça la vie. Comptez le nombre de fois que j'ai dû faire couler le sang. C'est ça la vie mec. Eh mec. Si c'est ça la vie, eh ben paix cette vie. Ouais ouais. Prie pour toi. Ouais ouais ouais mec. Prie pour moi frère. Prie pour toi frère. Si c'est ça la vie, je crois qu'on est en enfer mec. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Ouais ouais, moi, frère, ça mec, c'est le paradis ou l'enfer à la fin de cette vie.